Vous ne l'ignorez pas, les halogènes ont une forte tradition littéraire. À l'avenir, ils comptent bien continuer de gérer cette dominante. Ce qui suit, elle le prouve d'ailleurs.